disappear. You might be bought or sold, no one would even care. Now there's a golden rule, be ready to attack. Remember loyalty, you gotta watch my back. Grudge boy, just trying to exist. I never played with toys, don't give me bullshit. I'm just a street kid, we seek and destroy. Never thought much of it, I'm just a bronze boy. Bronze boy. Better watch out, you better stay away. Cause this is our turf, and there'll be hell to pay. We got our switchblade, our homemade zip guns. We're ready to rumble, soon as the night. Destroy. Never thought much of it. I'm just a Bronx boy. Bronx boy. Now listen, you better not lose your way. And be careful, don't question what I have to say. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rock for Show sur Radio Biz avec Phil et Tom pour vous servir. Bonsoir. Bonsoir. Tu peux baisser un peu le fond sonore parce que je l'ai en plein dans la tronche. Voilà. Non mais tu peux le laisser. Voilà. Oui, comme ça c'est très bien. Merci Tom. Ce soir une émission 100% zik, nouveauté, actualité, que des mots qui finissent en et. Hein, voilà. On commence par As Frehley. C'est pas beau ça? Hein? Hey, Ace Frehley! Ace Frehley qui... Sauf que c'est Y. Ah c'est oui, mais grave. C'est pas grave, ça se prononce Hey quand même! Non mais! Ouais, encore on dira un! Rien, on dira rien. Allez, Ace Frehley, on a commencé avec lui, avec son nouvel album Spaceman, sorti chez le label Ewom Record le 18 octobre dernier. Le morceau s'appelle Bronx Boy. Je pense qu'il parle de lui dans ce morceau, puisque le monsieur vient de New York aux États-Unis. L'album fait 9 titres. Sachez que c'était le premier guitariste fondateur de Kiss et qu'il a formé donc dans un premier temps Ace Frehley's Comet, qui s'est créé en 1984, sur lequel il avait sorti, me semble, 2 albums. Et puis ensuite, bon, il a sorti quelques petits albums solo. Je crois qu'il doit être à 5-6 albums, hein, un truc comme ça. Donc c'est du hard rock classique, j'allais dire un petit peu conventionnel. Hein. Mais c'est sympa à écouter. Donc on a commencé avec ça. Pas d'autres actualités concernant le monsieur. Je pensais qu'il y avait une date de concert qui allait tomber incessamment sous peu. Mais non, pour Paris en tout cas, il n'y a rien. Et puis j'ai pas vu trop de dates de concert pour promouvoir cet album. Ce que vous entendez en fond sonore, par contre là, les gars. Il y a du lourd puisque le groupe sera en concert à Paris, mon cher Tom. Et ce sera très bientôt puisque c'est le 25, c'est-à-dire jeudi. C'est ça ? Demain ? Demain ? Oui, demain. Demain, c'est demain. Chill. Non, moi, c'est Phil. Ouais, voilà. Hein, Achille, c'est l'autre là, avec Kamal à son talon. Voilà. Donc, ils seront au Bataclan. Ouais, avec Amarante et Kissing Dynamite. Kissing Dynamite. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Powerwolf que ne vous a pas encore dit ? C'est super, c'est génial, allez les voir en concert. C'est sorti chez Napalm Records cette année en juillet 2018, c'était exactement le 20 juillet 2018, le nouvel album. Il est pas mal, on vous en a parlé déjà. Hein, voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? C'est du power mélodique, hein, le groupe s'est formé. De Saarbrück. Oui, de Saarbrück, ce sont des Allemands qui au départ se faisaient passer pour des gens des Carpates. Ouais, bien sûr, hein, on est des fils naturels de Dracula. Ouais, d'accord, ok, bien sûr, ils sont un peu perchés quand même les gars, mais en tout cas sur scène c'est génial, avec Attila au chant. Et le groupe s'est formé en 2003. Voilà, ils ont pléthore d'albums et tous sont aussi bien les uns que les autres, donc allez les voir en concert. C'est le moins que l'on puisse vous dire. 06 81 01 28 34. Si vous voulez rafler des places. Mais faites vite, hein, parce que le premier qui appelle, il en a une. Vous envoyez un texto, hein, vous n'appelez pas. Vous envoyez un texto, bien entendu, et vous marquez Powerwolf. Voilà. Nous allons enchaîner avec des nouveautés et des groupes qui seront également en concert, hein, puisque nous allons commencer avec Annihilator. Alors oui, ils seront en concert là, maintenant, et puis ils seront en concert au mois de... au mois d'octobre 2019, je crois, donc on connaît déjà la date. L'album s'appelle For the Demented, le morceau que je vous propose de découvrir ce soir. Mon cher Tom, encore un mot en « et ». Hey. Non, c'est pas ça. C'est « The Way ». Ah merde. The Way. Sorti chez Silver Lining Music le 1er novembre dernier, 2017. Ouais, 2017. Ouais. C'est un quartet de trash technique. Alors là, mélodique, je connaissais, mais technique, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est c'est encore plus que mélodique. Il fait des trucs pas possibles. Ils viennent de Ottawa au Canada, formés en 1984. Ils sont en concert chez nous, au Petit Bain, le 27, c'est-à-dire cette semaine. Ouais, samedi. Voilà. Hein, samedi. À côté de Feu le Bateau Phare. Voilà. Ouais, à côté de Feu le Bateau Phare, parce que ce sera au Petit Bain. Alors, les guests, je sais pas qui c'est qui va jouer avec eux, mais bon, regardez. Hein. Puis, de toute façon, vous devez déjà avoir votre place. Ne ratez pas Annihilator. Je crois que la date avait été déplacée, parce qu'elle était au 25. Je sais plus ce qui s'est passé. Elle était au 25, ils l'ont remis au 27. Alors, peut-être parce qu'il avait une autre date avant, je sais pas. Enfin, vérifiez bien les dates, hein, parce que moi, j'ai marqué le 27, mais. Parfois j'ai vu le 28, j'ai vu le 25. Alors bon, surveillez bien et puis surtout allez voir directement sur l'agenda du Petit Bain. Ça sera nettement mieux, je pense. On enchaînera ensuite avec Amarante, on vous en a parlé, puisqu'ils seront en première partie de Powerwolf. Mais j'avais envie de vous en passer un morceau, puisque l'album vient de sortir en ce mois d'octobre, le 19 octobre récemment, donc chez Spine Farm Records. On vous en avait pas encore passé, donc j'ai choisi le titre éponyme de l'album qui s'appelle Helix. Et. Bah oui, Elixé. Parce qu'il faut mettre et partout. Une émission spéciale et ce soir. Hey, comment vas-tu ? Hey, toi là-bas ? Eh bien, hey ! C'est un sextet de métal mélodique, le groupe Amarante, fondé en 2009. Et ils nous viennent de Suède. De Suède. De Gothenburg. Ouais, de Gothenburg. Et ils seront surtout en concert, donc on vous le rappelle, le 25. Au Bataclan avec Kissing Dynamite et Powerwolf. Voilà. Et ben on va le et c'est la suite. C'est Be Nighted qui nous sort un nouvel album, enfin qui nous a sorti un nouvel album le 12 octobre dernier. Alors là, faut prendre son souffle, hein, puisque l'album s'appelle Dogs Always Bite Harder Than Their Master. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les chiens se battent toujours durement leur maître, c'est ça ? Ouais. se battent toujours mieux que leur maître, je crois que ça doit vouloir dire. Le titre que je vous propose de découvrir pour ces, vous allez voir, on a l'impression que c'est un porc qui chante, c'est Teeth and Hatred. Alors pour tous les grinders, vous allez dire que je me moque en disant que c'est un porc qui chante, mais quand même, hein, écoutez bien. Ça sort chez Season of Mist, c'est un quintet de brutal death grind. Ils font du death brutal metal, donc formé en 1998. Ils nous viennent de France, de Saint-Étienne. Alors, moi, je n'ai rien d'autre à dire sur Saint-Étienne que continuer à marquer des buts, continuer à gagner et puis surtout remonter au classement. Vous êtes sixième hein, cette semaine. Donc, il va falloir remonter l'équipe de Saint-Étienne, l'équipe de foot que je préfère, à l'équipe de B19. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Sachez que le groupe B19 sera en concert le 5 novembre. Ils seront également au Petit Bain. Ils seront pas tout seuls, ils seront avec Hypercrazy et avec Cryptotoxine et Abortide, exact également. Voilà, bon écoutez, on va vous laisser en Zikmu. On se retrouve tout à l'heure. On dit bonjour à Eric Flynn, on dit bonjour à Hugo, on dit bonjour à Sydney, on dit bonjour à tous nos auditeurs. On vous fait des poutous partout et surtout, ouvrez bien vos esgourdes parce que ce soir, ça va déménager. On commence avec Any Light. Drug-free drug, channeling up my aggressions. Sympathy, I don't need none, but I'm up to my neck in obsession. I don't care what the people say, I gotta do it my own way, 'cause that's the way I like it. Yes, I do. I don't need to be the main attraction, I'm happy just to get a piece of the action. And that's the way. Looking behind, changing up just to cause a commotion. I can't wait to put the next one out. I gotta set it in motion. I don't care what the people say. I'm gonna do it my own way. 'Cause that's the way I like it. I don't need to be the main attraction. I'm happy just to be a piece of the action. And that's the way I like it. Question why, 'cause the past is over and done. Don't worry about the end of days, 'cause it feels like I've just begun. I don't care what the people say, I gotta do it my own way, 'cause that's the way I like it. Yeah, yeah, yeah. I don't need to be the main attraction, I'm happy just to be a piece of the action. And that's the way defeated, honey toe, stuck in the middle. to pay, never making me stop. And every time you can wait, you will bring me up. And now you come around, but you never meant to talk. You better pray I never break her, so I drain in my car. On my way through your Eden, I can see the souls you can pass. Sorry. studio, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show avec Phil et Tom. Ouais. Diffusé sur Radio Biz. Ouais, bien. Metal Invasion le lundi soir. Ouais, Metal Invasion le lundi soir. Ouais, super le Rock for Show. Est-ce qu'est-ce que on a écouté? Salut Sydney. Et pas celui qui avait la casquette de rappeur. Hein. Non, on parle bien de Sydney, le métalleux. Hein. Salut John. Bon, arrête de dire salut à tout le monde, j'en ai marre. Hein. Maintenant, suffit. Salut, moi, tu m'as. Ah, quand même. Voilà, je pensais que tu m'avais oublié. Mon cher Tom, qu'est-ce qu'on a écouté? C'est moi. On a écouté tellement de choses. Annihilator, Amaranth et Be Nighted. Voilà. Et puis là, qu'est-ce qu'on entend? Un groupe des années 80. Oui. Reformé. En 2008. Qui ont sorti un live 2008-2018. Ouais. Ils étaient avec nous il y a quelques semaines. Ouais. Ça s'appelle Square. Ah non, ça c'est l'ancien nom. Ouais. Ça s'appelle Steel Square. Ah, c'est Steel Square. Et qui nous sort donc son nouvel album et qui sera donc ce vendredi-là, hein, à la release party au Dr. Feelgood. Ça doit être 37 rue Quincampoix à Paris. Métro, Châtelet, Hôtel de Ville. Ouais, tu sais quoi, vous allez au centre Georges Pompidou et c'est juste à côté. Exactement. Hein. Donc le Dr. Feelgood, on vous y attend nombreux, on y sera. C'est ce vendredi à partir de 19h, 19h30. Et il y aura une release party, il y aura le vinyle à vendre avec le CD en prime. Il y aura bien entendu des t-shirts, il y aura plein de trucs. Enfin, ils vous ont préparé plein de petites choses. Rien que pour vous si vous venez les voir au Dr. Feelgood. Ils seront également le 3 novembre à Cergy au Pacific Rock avec Stratagem. Et ils seront dans un concert super ultra complet le 1er décembre à Vouziers avec Alex Killers, Titan, Vulcain, Demon, le groupe étranger, Venin, Attentat Rock, Blasphème et Demonize. Voilà. On va passer à la suite du bout de la programmation avec quelques petites nouveautés et encore des gens en concert. Ah, peut-être pas pour le premier parce que j'ai pas les dates. Mais ça s'appelle Greta Von Fleet, tout le monde en entend parler. Ils nous ont sorti un EP et maintenant ils nous sortent l'album qui s'appelle Anthem of Peaceful Army. Mon cher Tom, c'est sorti et beaucoup de choses sont sorties le 19 octobre. Donc on va peut-être pas vous donner... à chaque fois le 19 octobre, mais celui-ci, encore une fois, est sorti le 19 octobre. Greta Von Fleet et le morceau que l'on va diffuser ce soir, mon cher Tom. Lover Liver, sorti sur l'album Anthem of the Peaceful Army. Ils viennent des USA. Comment on dit Saguenay? Alors ça sort chez Lava Record et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est un quartet, quoi. Ouais, ils auraient mis un L en plus à leur Laval, ça pourrait Laval, la ville. Oui, d'ailleurs, il y a eu un super festival. Et on salue la ville de Laval au Québec. Il y a une ville de Laval au Québec qui est jumelée avec la ville de Laval en France et là-bas, il y avait un festival. Le premier festival où Octane, organisé par le collectif, on va dire Octane. Et ça s'est très très bien passé. Apparemment, on a eu quelques photos, on a eu quelques vidéos. Et bon, on salue bien fort Olivier, notre cher admirateur et comment s'appelle auditeur, et Pascaline qui était à ce festival. Voilà, donc merci à eux. Donc quintet de hard rock, et vous allez voir, c'est très très très influencé. Led Zeppelin pour Greta Van Fleet. On enchaînera ensuite avec Cat Russell. Alors là, ça va te plaire, ça, mon petit Tom, parce que c'est blues rock, mais vachement purné, avec chant féminin. Caitlin. Russell A. Russell A. non, c'est Kate Russell. Kate Russell. Et son morceau qu'elle va nous jouer, c'est de la Dynamite. Exactement. Sorti de l'album Give Your Love to Me. Ah ouais, j'aimerais bien ça. Et sorti sur le label Big Blue Dream Recording en 2018. Donc je pense que c'est récent. Et elle nous vient de Los Angeles. Los Angeles. Les influences, eh bien, on a Bonnie Raitt, Lyle Lovett et Melissa Etheridge. Et elle nous fait dans un style un petit peu country rock, mais plutôt rock que country. On enchaînera ensuite avec Arion, mon cher Tom, sorti chez AFM, avec un album qui s'appelle Life is not Beautiful. Exactement. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir, At the Break of Dawn. Et on a en featuring Elise Wright. Exactement. Ils viennent de Helsinki. Qui? Oui. Qui? Et c'est un quintet de power melodic. Exactement. Ils se sont formés quand? En 2011, c'est finlandais. Enfin, c'est finnois. C'est finnois. C'est finnois, tout à fait. Eh ben, écoute, je pense qu'on a tout dit. Ouais, on reviendra après ce petite dose de cataclysme. Je vous avais promis des dates de concert, mais en fait, non, parce que pas pour cette plage-là. Hein non, non. Allez, on envoie la musique 06 80 01 28 34. 28. Straight below, it's my heart. Thank you. dans le Rock for Show. Ouais, c'est moi qui prends le micro. Phil, il m'a laissé la parole, c'est cool. Merci, ouais, Phil, de passage. Ouais, bah on va éviter. On vient de vous faire écouter, vous avez pris dans vos oreilles une bonne dose de Greta Van Fleet, Kate Russell et Arion pour finir. Ouais, j'espère que vous avez bien aimé. Et c'est un beau cataclysme. Ce que vous entendez en fond sonore, effectivement, Cataclysm, groupe canadien. Et ce soir, c'est quasiment une émission spéciale Canada. Ouais, mais ils sont en concert avec la machine du Moulin Rouge, oui. Avec Hypocrisie. Et The Spirit le 3 novembre prochain. Voilà, donc c'est pas pour vous les Canadiens, c'est pour nous. Ouais. Na. Cataclysme. 06 81 01 28 34, si vous voulez rafler des places d'ailleurs. Je voudrais en revenir quand même à Kate Russell, qu'on a vraiment adoré, quoi, parce que ça change déjà un petit peu, voix claire. Donc, ouais, tu me disais qu'elle n'avait pas d'accent américain. Je pense, fait. Ouais, de ce que j'ai vu, quand tu entends, il y a un problème dans l'accent. Plus anglaise. Elle aurait des origines anglaises, à mon avis. Ouais. Mais vivant aux États-Unis, c'est possible. Il y a des Français Oui, qui vivent bien en Autarcie, mais par contre, je sais pas où c'est l'Autarcie. Demandez-moi, je sais pas. Je connais l'Autarie, hein, elle est en face de moi. Non, c'est pas vrai. Je déconne. Oh, dans les immeubles en face là. Tu vois qu'elle est là, l'Autarie. Ah, je croyais que tu parlais dans les immeubles en face. Allez, on va continuer avec de la bonne zizi qui va vous foutre entre les oreilles, mon cher Tom. Oui, d'ailleurs. Péril. Dire péril. Tout à fait. Je ne conteste pas. Avec leur album qui est sorti chez Dive Bombs Records. Ouais, je sais pas, je connais pas du tout ce label, mais. Sympa le nom. Ouais. Le 9 novembre dernier. Ouais. Voilà. Prochain. Ouais. T'es à la rue, toi. 9, 11, 18. Ouais, voilà. Autant jusqu'à présent, je vous ai mis que des trucs qui viennent de sortir ou qui sont déjà sortis. Autant là, c'est une petite nouveauté, on va dire, hein, puisque nous sommes que le 24 et ça sortira dans 15 jours. À peu près. Hein. À peu plus. Hein. Ça. Alors le morceau, le titre de l'album, c'est The Extraterrestrial Compendium. Alors un gros nom, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est un album concept. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Le morceau s'appelle Roughnecks. C'est le morceau que l'on va vous diffuser du groupe Dire Peril. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce groupe Dire Peril ? Eh bien tout simplement un quartet de thrash metal, c'est ça ? Mon cher Tom ? Yes. Mais très influencé par des groupes comme Aetherf, comme Blind Guardian, comme Symphonix ou Iron Maiden. Et puis, vous allez certainement reconnaître la voix d'un chanteur d'un des groupes que je viens de citer à l'instant. Hein. Donc, on va vous laisser le découvrir et puis on reviendra dessus au moment du débriefing. Sachez que le groupe s'est formé en 2009. Qui nous viennent des États-Unis, enfin pas pour tout le monde, de Citrus Hate. Alors je sais pas où c'est ça, Citrus Hate, mais ça va être une bourgade quelque part. Nous enchaînons ensuite avec quelque chose qui fait du bruit dans toutes vos oreilles et dans votre tête. Le groupe s'appelle Gorod. Gorod, c'est tiré de leur tout dernier album qui s'appelle Hey CA. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle The Sun Try, sorti chez Overpowered Records le 19 octobre dernier. C'est un quintet de death technique. Ce soir, beaucoup de technique, hein, mon cher Tom, qui est à la technique d'ailleurs. Excusez-moi au passage, Citrus 8, comme vous avez dit, j'ai été recherché quand même. Ouais, c'est bien. Tu vois où c'est, Los Angeles ? Oui, et passe en dessous. c'est un peu plus haut. Ah, c'est plus haut, d'accord. Ouais, okay. Voilà, c'est à côté de Sacramento, juste au-dessus de Sacramento. C'est dans un banlieue de Sacramento. D'accord. Sacramento, pour ceux qui ne savent pas, c'est à côté de San Jose. Ah, vous savez pas non plus, San Francisco, c'est mieux. Et on va pas tous se les faire. Hein. En tout cas, merci d'avoir été aussi dynamique et technique, mon cher Tom de la technique. Le groupe Gorod est formé en 2005, hein, et ils nous viennent de Bordeaux. Allez, Bordeaux, comme le vin. Et surtout, je préfère le boire, moi. Ouais, moi aussi, je préfère le vin. Surtout musicalement aussi. Je préfère quand ça fait gling, gling, gling. Comme ça, tu vois. Ils seront en concert le 18 novembre à Paris, au Petit Bain. Qu'est-ce qu'il y a comme concert au Petit Bain ? Avec Beyond Creation, qui est un groupe canadien. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'on va vous en passer aussi du Beyond Creation. Et ils seront également avec Enteus et avec Growth by Pain. Pain. Exactement, 06 80 01 28 34. Et nous finirons cette plage musicale avec Funny Ugly Cute Karma, qui, si vous rapprochez les initiales de chacun des mots, vous donne fuck. Bah ouais, c'est de la poésie, hein. C'est tiré de leur premier EP. Le titre que je vous propose de découvrir, c'est leur clip qui s'appelle On The Run, sorti chez M&O Music le 19 octobre dernier. Ils étaient en release party vendredi dernier, c'était pas mal, c'était sympa, avec le groupe Waze en première partie. C'était sympa, en tout cas c'est très très très ultra avec varié. Avec le groupe Waze. Comment ? C'est ça, Waze, W-A-Y-S. Oui, avec un point après. Ouais, ouais, c'est ça. Ça me parle, ce groupe. Ouais, c'était pas mal. C'était vraiment un groupe un peu hardcore, un peu. Ouais, c'était sympa. C'était vraiment. De la banlieue sud parisienne. Sûrement, sûrement. Et sachez que pour Fuck Ugly Cute Karma, eh bien, c'est un quintet de patchwork metal, comme je dirais. Mais pas que metal, en plus, il y a un peu de tout. Ils sont français, ils viennent de la région parisienne, avec Adeline, ex Asyl Empire au chant. Et on retrouve également Mortek à la guitare, ex Melidian. Bon voilà, je crois qu'on a tout dit là-dessus. On va vous laisser en musique. 06 80 01 28 34 pour affler des places pour Gorod. Et puis c'est tout. Allez, musique. Humankind has stepped beyond that green and fertile horizon. out of fears and you've gotta be fine. Run, neighbor, run. It's a long way to you. Hey, from the round, watch your back and go on your chest. Don't get caught. Someone's coming, rah, rah, rah, rah. Every day from the top of the hills to the deepest valleys, so many wars to see. All the people I met and all the ones I left, all the victims I meet. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock Fort Show. T'as vu, ça rime, hein, hein. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et ça envoie bien, ça, c'était cool. Ça envoie bien, hein. Donc, ouais. On a commencé avec Dear Peril, dont je reviendrai un petit peu dessus, parce qu'on a des choses à vous dire dessus. Nous avons continué avec Gorod, et nous avons fini avec ce funny, ugly, cute karma, ma foi, qui passe bien, qui est sympathique. Hein. Donc, à revoir sur scène lorsque le groupe aura un peu plus d'épaisseur, on va dire. Voilà, donc je voulais revenir sur Dire Peril pour vous dire qu'en fait on retrouve aussi des featuring à l'intérieur, des guests, puisqu'il y a British Lays qui est la chanteuse vocaliste de Queen of the Queen of the Archer, quoi, je crois, un truc comme ça. C'est Unleash the Archers, voilà. Et il y a également Monsieur Lucas, Anthony Lucas, Lucasen, hein, qui est dans Aeron. Ariane Anthony Lucassen qui est dans Aeron. Voilà, le groupe de prog. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et puis ça ressemble beaucoup à Blind Guardian, comme vous avez pu l'entendre. Ce que vous entendez en fond sonore, mon cher Tom, c'est quelque chose qui devrait pas plaire à tes oreilles, ça aussi. Ça va, Styrenia, c'est pas mal, c'est pas mal. On retrouve un des musiciens de Tank à l'intérieur, depuis quelques temps. Et ils seront... Lequel? Le guitariste, je crois. Oui, c'est le guitariste. Ah, qui est aussi passé par The Empire. Exactement. Et donc maintenant, il est dans Styrenia. Et il mais sera il par... mais il est partout, lui. Hein, il sera en concert parce que Tank vient de finir une tournée en Angleterre. Ouais. Il était un petit peu partout. Et là, le 5 novembre, ils seront à Paris, à la Boule Noire. D'accord, c'est avec, cool. Avec Triosphère et Mind Whisper. Exactement. Donc 06 81 01 28 34, si vous voulez rafler une Mais il y a place. Des places à gagner ce soir. Ouais, et par contre, précisez et puis mettez des trucs un peu... Ouais, originaux. Ouais, originaux, clowns, comme je dirais. Pour, je sais pas, pour essayer de... Mettez-nous pas que je veux gagner une place pour aller voir de nous donner l'envie de vous offrir la place. Quoi. Voilà, donnez-nous envie, envoyez des photos. Donnez-nous l'envie d'avoir envie. Ah tiens, il y a le nouvel album qui est sorti, qui s'appelle Mon pays, c'est l'amour. En fait, il est pas mal, il a toujours autant de coffres, hein, Johnny. Tu l'as écouté ou pas? Ouais, je l'ai écouté. Et c'est ce que je te dis, il a malgré le fait qu'il soit dans le coffre, il a encore beaucoup de coffres. Paix à son âme. C'est bientôt son anniversaire, hein, Johnny. Anniversaire de son décès. Et tu sais dans où est-ce qu'ils ont mis son CD, enfin son CD à la Fnac? Non, tu as bien dit. Ils l'ont rangé, tu sais pas? Au rayon des CD. Bon, allez, Styrenia donc tiré de l'album Arcane Astral Hayons, sorti chez Napalm Records le 26, c'est-à-dire dans deux jours, le 26-10. Il contient 11 titres et un titre bonus pour ceux qui auront l'édition limitée. C'est un quintet de métal symphonique formé en 2001 et ils nous viennent de Norvège. Voilà, il fait froid là-bas en ce moment. Et là, mon cher Tom, c'est cadeau. Tout ce que je t'offre là, tu vas voir, c'est mais cadeau. Mais Noël, parce que... c'est dans un mois et demi. Ouais, mais j'avais envie de te faire un petit cadeau. Plus d'un mois et demi, parce et que j'avais envie presque de disturbé peu. Noël, c'est dans deux mois, on est le 24, oui, je suis bête. Moi. Oui, mais il y a les cadeaux d'Halloween la semaine prochaine. Ouais, mais. Et puis après, t'as le Black Friday, ça devient bien aussi. C'est ça. Allez, Disturbed, groupe américain, qui nous sort son nouvel album Evolution. Le titre, c'est jamais plus. No More. Sorti chez One Arm Bros. Ouais, le 19 octobre dernier. C'est 10 titres plus 4 bonus, ça fait 14 titres, voilà. Ouais, 14 titres pour ceux qui ont l'édition limitée, hein, parce qu'il n'y a pas toujours l'édition limitée disponible. C'est un quartet de néo-métal formé en 1994. C'est un cadeau que je te fais. Ils viennent de Chicago, mon cher ami. Ça te va ? Chicago Bulls ? Je pense que tu vas aimer. Je pense que tu vas vraiment aimer parce que tu vas voir, il y a beaucoup de mélodies. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et. Comment tu t'évades avec ça ? Mais ça, c'est Styrenia. Enfin, s'il y avait que ça qui t'évadait. Ouais, je pense, ouais. Moi, je sais pas ça que je voulais dire. Nous enchaînerons aussi avec Billy Bio. Alors, sais-tu qui est Billy Bio? Il est bio, peut-être. Non, bio, c'est un hasard. Bioman? Bio, c'est un hasard. Bon, en fait, c'est un musicien de Biohazard. Ah, je connais pas. Et il nous sort son album solo qui s'appelle Feed the Fire. Et c'est donc le titre éponyme de l'album que je vous propose à découvrir ce soir chez AFM Records. Et ça sort dans longtemps, puisque c'est dans un mois, un peu plus d'un mois, mais un mois et une semaine. Ce sera le 30 novembre prochain. On a envie de vous faire des petits cadeaux ce soir. C'est du hardcore, mais du hardcore super mélodique. L'album contient 13 titres et ils seront en tournée européenne avec Life of Agony. Pour l'instant, j'ai pas vu de date en France, mais sachez que la tournée a débuté au mois d'octobre, courant octobre. On finira cette plage musicale avec un groupe canadien, mon cher Tom. Le groupe s'appelle Atria. C'est un EP, c'est un EP 4 titres qu'ils viennent de nous sortir. L'album s'appelle New World Nightmare, ça tombe bien pour une semaine avant Halloween. Et le morceau c'est Someone With Me. Et ça, c'est une autoproduction qui sortira le 16 novembre prochain. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Ah oui, oui, c'est pour les fans de In Flames, Soulwork et Trivium. Donc tout ce qui se fait un peu burné, mais hyper mélodique. Et ils viennent d'où ? Je l'ai dit, du Canada. Oui, mais où ? Bah, du Canada. Mais où ? Bah, du Canada. Are you ready? Something tells me you might know this one too. And you singing along sounds so beautiful. Please join us again, as loud and beautiful as you can. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock Folk Show. Vous venez d'écouter Disturbed, suivi de Billy Bio. Et vous venez de terminer avec Atria. Atria qui nous vient donc du Canada, de l'Ontario, de Hamilton et de London. Voilà, dans l'Ontario. Ça te va, mon cher Tom? Très bien. Tu es content? J'ai recherché les petites infos. Merci. Et ça, c'est Nightwish. Nightwish en live. Plan. Heavy Symphonique, un groupe formé en 1996. Alors, comme vous le savez, il y a eu trois chanteuses. Il y a eu Tarja, qui a été l'emblématique chanteuse de Nightwish, que tout le monde regrette. Après, il y a eu Annette Olson, non, pas celle de la Maison à la Prairie, non, la petite Maison à la Prairie, pas du tout. Annette Olson, moi j'aimais bien. Je la trouvais sympa, mais bon, le public ne l'a pas trop aimée, donc elle s'est fait méchamment jeter. Et enfin, maintenant, nous avons au chant Flor Jensen, qui était avant dans After Forever, qui est une magnifique chanteuse et dont nous aurons la primeur de voir à Paris-Bercy. Donc c'est Paris Hôtel... Accor Hôtel Arena. Voilà, et le groupe Nightwish nous vient de... Finlande. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, rien. Ils sont en concert le 10 novembre. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, il y aura certainement des groupes en première partie, mais je ne les connais pas. Voilà. Nous allons poursuivre avec le Brésil. Nous allons prendre un petit coup de chaud avec le groupe Soulfly. Soulfly qui nous sort un nouvel album qui s'appelle Ritual, sorti le 19 octobre, comme je vous le disais. Le morceau s'appelle Bite the Bullet, sorti chez Nuclear Blast. C'est le 11e album studio du groupe. Il contient 10 titres. Oui. C'est un quartet de néo-thrash metal. Ils se sont formés en 1997 au Brésil, à Belo Horizonte. Voilà, et on retrouve un des frères Cavalera au sein du groupe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, rien d'autre. On va partir au Canada maintenant, mon cher Tom. Oui, avec mon le cher groupe Phil. Voivod, qui nous sort lui aussi son nouvel album. Il est sorti The Wake. Exactement, et c'est sorti le 21 septembre dernier chez Century Media. On vous en avait pas encore passé, donc on en profite ce soir. Dans cette émission, on avait décidé de passer beaucoup de groupes canadiens. Le morceau s'appelle Always Moving. L'album contient 8 titres. Ça reste du trash metal un peu technique, un peu avant-gardiste. Et c'est un quartet. Le groupe s'est formé en 1982. Ils nous viennent du Canada, de Saguenay. Voilà. Et enfin, on finira avec un groupe russe. Alors là, je vais pas vous en dire grand chose. Le groupe s'appelle Alkonost, mais tout le reste c'est marqué en russe, donc je ne pourrais pas trop vous en parler. En tout cas, c'est sorti le 19 octobre dernier. C'est un truc indépendant. C'est le 13e album du groupe, donc quand même. Ils nous font du folk metal à chant féminin. Ils se sont formés en 1995. Ils nous viennent de Russie, de Chelny exactement. Bah voilà, on vous laisse avec eux. Mais tu peux pas annoncer le nom de l'album? Non. Octar Pama. Ouais, Octar Pama. Mais je sais pas si ça se dit comme ça, parce que c'est vraiment des signes russes qui normalement sont là. Et le titre, ils vont chanter en russe, mais le titre s'appelle, ça a un certain nom, et en français je vais dire Après la jeune aube. Allez, c'est parti, musique. 06 80 01 28 34. Contradictions. de retour dans les studios du Rock for Show avec Phil et Tom sur Radio Biz. T'es pas obligé de crier comme ça. J'avais envie. Nous avons donc écouté Soulfly, suivi de Voivod, et nous avons terminé avec Alconost. Et ce que vous entendez en fond sonore, là, maintenant, tout de suite, sans plus attendre, c'est Within Temptation, décidément. Au niveau métal symphonique, Sirenia, Nightwish, Within Temptation, on aura été vraiment vernis en cet automne. L'album de Within Temptation, qui sortira le 14 décembre prochain, s'appelle Resist. Il contient 10 titres, sortira chez Spineform Records. C'est un septet de métal symphonique formé en 1996. Ils nous viennent des Pays-Bas et ils seront en concert le 16 novembre prochain à Paris au Zénith. Voilà, ça c'est dit. Nous allons partir au Japon maintenant avec Saber Tiger, tiré de leur album Obscure Diversity. L'album contient 13 titres, il est sorti chez Slip Trick Records le 10 octobre dernier et le morceau s'appelle Paradigm and Parody. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ils nous viennent de Sapporo au Japon et ils se sont formés en 1981. Et ils nous font du prog power metal et c'est un quintet. Voilà. Nous enchaînons ensuite avec Raid. Raid qui est un groupe de Norvège, non, je ne sais plus d'où ils viennent, mon cher Tom. De Norvège, c'est bien ça. Ils seront en concert au Backstage by the Mill avec Talma et Slegust le 10 décembre prochain. Voilà, ils sont formés en 2004, c'était un quartet de black metal. Ils ont 8 titres dans leur dernier album qui est sorti le 26 septembre dernier chez Season of Mist au doux nom de Life Hunger avec le titre Socrate Must Die. Merci Monsieur Tom. Nous terminerons avec des Canadiens cette plage musicale. On vous en a déjà parlé tout à l'heure. C'est le groupe qui s'appelle Brian Creation, tiré de leur album Algorithme. Et le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle In Adversity, sorti chez Season of Mists le 12 octobre dernier. 10 titres plus de bonus sur la version limitée. Oui. C'est un quartet progressive tech death. Ouais, formé en 2005 à Montréal. Exactement, ils seront en concert donc le 18 novembre prochain à Paris au Petit Bain avec Gorod, avec Enteus et Bruce by Pain. Allez, c'est parti. 06 80 01 28 34. Musique. Life is full of misery. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Refort Show avec Phil et Tom au micro. Et vous venez d'écouter quelques petites joyeuseries. Saber Tiger du Japon, ensuite la Norvège avec Raid. Et nous avons fini avec Montréal, le Canada avec Beyond Creation. Beyond Creation qui est un petit peu mon petit coup de cœur de ces trois titres. J'aime beaucoup ce qu'ils font et musicalement c'est vraiment au top. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Omnium Gaterum et ils seront en concert, mon cher Tom, très prochainement à Paris. Oui, au Petit Bain, au corps. Et encore au Petit Bain, ça va devenir grande piscine. Hein. Faire gaffe que ça coule pas quand même. Non, il y en a déjà un qui a coulé, on va pas en faire deux côte à côte quand même. Enfin, non. Ça serait dommage quoi. 19 ouais. Novembre. Oui, avec 18 novembre. Je dis oui bêtement. Moi. Avec non, 19 Gorot. Non, 18 moi j'ai. Ah bon? T'as 18 non, c'est ça. Ah non, 19, excuse-moi. Alors, oui, alors, 19 novembre. Wolf Earth et notre garde. Voilà. Non, la veille au soir, c'est plutôt Gorod et Théos et Boss by Pain qu'on a entendu tout à l'heure avec Beyond Creation. Exactement. Alors, ça va être c'est un festival qu'ils font, là, le Petit Bain, c'est pas possible. Peut-être. C'est caché, quoi. C'est peut-être, ouais, sûrement. Donc en tout cas, Omnium Gaterum s'est tiré de leur album The Burning Cold et on vous en diffusera la semaine prochaine. Sorti chez Century Media le 31 août dernier, pendant qu'il faisait chaud, vous savez, vous vous rappelez ce temps-là? Parce que là en ce moment, il commence à faire un petit peu plus frais. 11 titres, c'est un sextet de death mélodique formé en 1996. Ils nous viennent de Finlande, de Kolka exactement. Voilà. Et nous allons passer à la quasiment fin de l'émission, mon cher Tom. Hein, oui, quasiment. Avec vous, Wodunit. Wodunit qui est un groupe Frenchie, hein, qui fait du rock, punk, blues. Ils se sont formés à Paris, donc voilà, c'est sympa. C'est sympa. Un petit peu décalé par rapport à la production que l'on vous a proposée durant toute cette émission. Ouais. Monsieur, c'est assez sympathique. On salue notre ami Pat Kebra d'ailleurs qui nous a envoyé l'album. Ah, ça vient de chez Pat. Ça s'appelle Memories from. Quoi? From. Shithole. Ah oui, Shithole. Memories from a Shithole. C'est sorti. Ça sortira le 29 octobre prochain chez Beast Record. Et le morceau titre Nun on the Run. Ouais, ça veut dire la nonne sur la route, je crois, un truc comme ça. Je sais pas du tout. Sur la course, la nonne, la course à la nonne. Ouais, je sais pas. Pas parce que nonne. Nonne, c'est nonne, la nonne. C'est une religieuse quoi en fait. Oui, moi je les préfère au chocolat les religieuses, mais bon voilà, c'est une religieuse. Il y en a qui il y a d'autres parfums maintenant. Ouais, caramel, chocolat, vanille, ouais, fraise. Voilà. C'est comme les glaces alors. La nonne en fuite, voilà. La nonne en fuite, d'accord. Pour dire c'est du mot pour mot traduit par Google. Ouais, hein, non, mais c'est ça. Non, mais c'est ce que ça veut dire. Hein. On the run, c'est en fuite. Ouais, je suis d'accord. Pour tu sais quoi, on fait ça, je valide Google. Google, bah. D'où Google. Nous enchaînerons avec Monsieur Marty Friedman qui nous sort un nouvel album. Qui est sorti le 19 octobre dernier chez Prosthetic Records. L'album s'appelle One Bad Marty Friedman ou Motherfucker Live. C'est donc un album live. Et qu'est-ce que je peux vous dire, c'est un guitar hero, monsieur Marty Friedman, qui a joué avec Megadeth, qui a joué aussi au tout début avec Jason Baker, Cacophony. Enfin bref, c'est un gros guitar hero. Un shredder, comme on dit. Voilà, il a commencé en 1987. Il nous vient des États-Unis, de Washington exactement. Ce que je ne vous ai pas dit, par contre, c'est le titre du morceau, mon cher Tom. Oui. Qui se nomme ? Je ne l'ai pas sous les yeux. Ah bon ? Eh ben, c'est Hyper Doom. Hyper Doom, voilà, en live. Hyper Doom ? Hyper Doom. Ça veut dire hyper fou. Ouais, je suis Hyper Doom. Voilà. Hyper fou, on est tous Hyper Doom hein, de toute façon. Et c'est en live. Et puis on reviendra pour se dire au revoir. Oui. Oui, mon cher Phil. Avec les Allemands. Allez, ouais. C'est parti, musique. Vous donnez it ? Allez, vous donnez it. S'il veut bien partir, 06 80 01 28 34. Sister, you worship me! I've known! fan of your King K, yeah! Retour dans le studio pour la fin de l'émission. Vous êtes toujours à l'écoute du Rap for Show sur Radio Biz. Et ce que vous entendez en fond sonore, amis de la porte de derrière, c'est pour vous. Le groupe s'appelle Sodom, ils sont allemands, et le morceau s'appelle Conflagration. sortie de leur nouvelle EP qui s'appelle Partisan et qui sortira le 23 novembre prochain avec tout un nouveau line-up. Il ne reste que le chanteur Monsieur Tom Angel Reaper au chant. Et ce que vous avez entendu juste avant, bah, c'était Wooden It et on a fini avec Marty Friedman. Voilà, on vous laisse. Mon cher Tom ? Oui, je voyais pas la fin arriver si vite, j'étais perdu là. Bon, alors on passera un petit cataclysme derrière ? Oui. C'est ça ? Hein ? Ouais, on a le temps, hein, on a le bon, temps. Bon. Alors, mais Sodom, ça me fait drôle de revenir sur Sodom, quoi. Moi, je pense que on va peut-être laisser les deux pour nos amis de la poésie. Ah non, hein, mais là, ça va pas être passé. C'est soit là moi ce que je propose c'est qu'on finisse ce Sodom et que Cataclysme peut passer derrière. Bah oui, c'est ce que je te dis, c'est pour ça. Okay. Donc c'était rock, c'était fort, c'était chaud, c'était le rock for show, bye bye. Bye bye, à la prochaine. take a hard look in the mirror. Learn how to walk the walk before you talk the talk.